Rosanita Campos, vice-présidente du Parti pour la Patrie Libre du Brésil, a publié le 28 septembre dans le journal Hora do Povo l'article qui condamne la disposition de Saad en Corée du Sud.